Les assassins. Les sont où? Les sont où? Les assassins. Ah, celui-là, vous me le laissez, c'est pour moi. Je me sens déjà beaucoup mieux. Alors, commissariat central en bonne, j'écoute. Ta mère est une conne, c'est la plus grosse des connes. Ta mère est une connasse. Non mais, hein, dis donc, dis donc. Espèce de petit enfoiré, fils de pute de merde. L'atmosphère est tendue, l'atmosphère est tendue. On trouve 23 heures par jour. Vous tapez. Vous êtes de belles enflures, hein. Très bien, hein? Vous savez à qui vous avez affaire? C'est moi la police! Et je fais la loi ici! Vous vous faites qui habiter? Et putain, madame le maître, vous expliquez en chinois? Je suis coincé dans une cabine téléphonique, putain de merde! Bon, monsieur, je vous demandais de rester poli, d'accord? Que je reste poli? Mais je suis poli! C'est vous qui vous voyez derrière, vous êtes comme pour un bougie! Ah, attention, monsieur, là, hein, vous venez d'insulter un brigadier, là, hein? Toi, t'es brigadier! T'es brigadier, toi? Brigadier? Brigadier de mes couilles, ouais! Oh là là, attention, hein, tu vas trop loin, là! Je suis dans ton kiffi, j'en tue ta femme! Marie-Louise, hein? Je peux t'en parler, monsieur, j'ai niqué. Elle me suppliait d'arrêter ta vengeance des mineurs. Et je suis pas le seul, hein. Tu sais ce qu'on raconte sur ta femme? Qu'elle a sucé. 44. Dans sa gueule, le bleu. Ouais, j'ai bien niqué. C'est comme ça, faut leur parler à ces enculés. Bien niqué. Bien niqué. Bien niqué. Y'a outrage. Ils veulent nous mettre en cage, prendre de l'âge. Mais y'a pas moyen de tourner cette page. Abus de pouvoir, carnage, nous faire bouffer. Fais le carrelage sur nos têtes, ils sont en âge. Dès lors, je vais casser l'image. Et connard, tu t'inspires de la violence et de la haine. Gardien de la paix, mon cul. Y'a des abus toutes les semaines dans les cellules. Ça pue, y'en a plein les murs. On va les recouvrir, mon gars, à coups de sang. Schmitture, trop dur, temps dur. Mais tu pratiques la torture, bah oui, trop de bavure. Tu réitères et tu perdures. Toi, les chaînes de système qui me traînent et m'engraînent à semer des choses malsaines et des textes obscènes. En témoin, ce thème de haine, de problème, délitat, délictuel. Ken, tous tes emblèmes. Les anecdotes les plus drôles sont quand tu te fais baiser. Y'a que quand tu te fais serrer que moi je prends mon pied. J'entrerai bien dans le comico avec un Beretta. Me le mets pas entre les doigts si tu ne me crois pas. Je te verrai bien tapiner tout au fond d'un trou noir. L'humiliation c'est facile et ça donne tout pouvoir. Je comprends rien, je te jure. Je les comprends pas, nous on a faim et eux s'amusent à faire les proies. Je panais avec une rage anti-insigne, mais de la mienne, oh là, voici les premiers signes. Y'a des barrages dans les parages, démarrage, esquivage, accrochage, dérapage dans les virages comme des sauvages, rattrapage, enchaînage, dépouillage et l'engrenage. Et ça depuis le plus jeune âge, ça pue le sarcophage à travers les suffrages. Trop de gaspillage, trop de boycottage, embobinage de nos villages à nos étages, même sur la plage. En otage, un menotage, page après page, la tête dans le cirage. On fait le décryptage d'une jeunesse pleine de rage, en plein décalage, collection de collages. Les cœurs nous dévisagent et ça finit en otage. Depuis mon plus jeune âge, je suis pris dans un engrenage entre conneries et collages. Les képis font barrage et la rage et les nerfs. Alors j'accélère et les porcs sont derrière. Moi je dis porc sur un air qui fait pain. Personne officielle reconverti en criminel. Leur gun et Sarkozy leur font pousser des ailes. Même en faisant des efforts, ils seront tout le temps des porcs. Car les porcs resteront toujours des porcs dans son crâne. Je me demande qu'est-ce qui a bien pu se passer. Qu'est-ce qui devait arriver pour qu'ils choisissent d'exercer ce métier. Si les gens, ils voulaient aider, c'est en médecine qu'il fallait aller. C'est pour l'amour de la patrie. À l'armée, ils recrutent, sale pute. Ce fut une armée, rien dans Calbut. Sale pute. C'est le bon truand, c'est moi, à lui c'est la brute. Sale pute. Je lutte, me faire payer, c'est le but d'une sale pute. Et les putes suceront toujours des bites les jours de pénurie. Je rêve de faire une perquise en esquivant la zombie. Reprendre ce qu'ils nous ont pris. Leurs placards de plaquettes me font envie. Deux, trois balles dans leur tête. Moins de cons en vie. Au micro, c'est l'outrage. Génitéro délita, c'est délicat. Car CSA voudra sûrement censurer ça. Pas après pas, je pisse sur les lois. Et devant la plupart des stars, je lève les deux troisième doigts. Y'a des barrages dans les parages. Démarrage, esquivage, accrochage. Dérapage dans les virages comme des sauvages. Rattrapage, enchaînage, dépouillage et l'engrenage. Et ça depuis le plus jeune âge. Ça pue le sarcophage à travers les suffrages. Trop de gaspillage, trop de boycottage, embobinage de nos villages à nos étages, même sur la plage. En otage, un menotage. Page après page, la tête dans le cirage. On fait le décryptage d'une jeunesse pleine de rage. En plein décalage, collection de collages. Les cœurs nous dévisagent et ça finit en otage. Des barrages dans les barrages, démarrage, esquivage, accrochage, dérapage dans les virages comme des sauvages. Rattrapage, enchaînage, dépouillage et l'engrenage. Et ça depuis le plus jeune âge, ça pue le sarcophage à travers les suffrages. Trop de gaspillage, trop de boycottage en bobinage. De nos villages à nos étages, même sur la plage. En otage, un menotage, page après page, la tête dans le cirage. On fait le décryptage d'une jeunesse pleine de rage. En plein décalage, collection de collages. Les cœurs nous dévisagent et ça finit en otage. J'ai l'impression que tu m'as pris pour un con. Tu m'as pris pour un con. On n'est pas à la télé ici, hein. T'as pas Navarro en face de toi. J'en ai rien à foutre, moi, de Roger Hanin. Roger Hanin, il gagne 30 plaques par mois, il est pas cocu. C'est Marc Schmitt. Marc Schmitt, again, Tu connais? Tu vas connaître. Alors, soit tu collabores avec lui, et le juge en tiendra compte, soit tu prends 9 ans, avec un bon avocat, 10 ans. Dans 2 ans, t'es sorti, sinon c'est perpète. Perpète? Affirmatif. Non, mais ça va pas, non, mais j'ai tué personne. Pas encore. Mais ça devrait pas tarder. Insulte à agent dans l'exercice de ses fonctions, et ça, ça pardonne pas. Ah, vous êtes marrants, vous, les jeunes. Ah, j'aimerais avoir votre âge. Qu'est-ce que vous croyez? Croyez qu'on est là? On est là pour discuter, pour déconner avec les gens, que c'est un club de rencontres. Des gens, je veux des gens! Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi l'organisation là?